Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien le bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 120 au compteur comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Et Dieu sait que ça a été le branle-bas de combat pour arriver au studio. Puisque vous le savez, amis belges et amis français, ce soir c'est la demi-finale entre la France et la Belgique. Donc bah, comme on est au pied des canonniers du stade de Moucron et juste à côté de la fan zone, ça a été un peu compliqué pour nous d'arriver jusque dans les studios. Mais on est là rien que pour vous, alors vous pouvez à la fois regarder le match et nous écouter. Évidemment, avec toute l'équipe qui est quasiment au complet. Nous sommes avec, alors, par courtoisie, bien sûr, on va commencer par la plus jolie, la plus charmante, la plus souriante, Marine. Bonsoir. Ouais, enfin, vous ne l'avez pas vue encore parce qu'elle a un chapeau. Enfin, bref, on fera des photos, tiens, justement, ouais, pour les mettre sur Facebook. Marine qui est avec nous pour nous parler de... Des fêtes nationales. Oui. Pas mal. 14 juillet, 21 juillet. Ouais, parce qu'il se passe pas mal de choses dans la région. Ouais. Du côté de Moucron, du côté de Waterloo, du côté de Périgueux, tu vas nous en parler tout au long de l'émission. Pas mal de bons événements donc musicaux. On est également avec toi. Bah, tu dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Avec Stéphane. Oui, bonsoir. Bah, écoutez, je suis venu pour l'occasion, pour l'événement, et puis pour cette émission qui va être un peu exceptionnelle, on peut le dire, puisqu'on va quand même suivre en direct quand même le match, ce match. Et c'est vrai que d'être présent un petit peu en backstage au niveau de la fan zone, bah, c'est quand même c'est quand même assez original. Bien sûr. Alors si jamais vous nous entendez mal par moment, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est les normal. Belges qui s'énervent. Tu gagnes. C'est un but français, voilà, c'est tout. Ouais. Moi, je suis pour la France. Non. Ah bah si. Ouais, ah non, moi je suis pour la Belgique. Ah, ah bon, bah, c'est nouveau ça, Stéphane. Bah, enfin, voyons, ce n'est pas parce que je suis français, je ne peux pas être pour la Belgique. Tu as raison. Mais moi, je suis français. J'aime la Belgique, mais je suis quand même pour la France. Stéphane, tu nous feras un retour évidemment sur le Main Square. Sur ce week-end très chargé que j'ai eu effectivement avec le Main Square. Voilà, donc tu nous feras un petit topo là-dessus. Il y a Sherlock qui est avec nous. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, toi évidemment, Sinoche ce soir. Oui, le rétro ciné, donc à 21h, où je vous parlerai d'un film de l'année 1987. Bien, et ensuite, bah, tu nous auras envie d'aller au cinéma. Ah bah, j'espère, oui. J'espère. Eh ben voilà. Moi, je vous ferai une petite chronique rapide sur, bah justement, ça m'a amusé, sur des noms de villes, pas seulement que françaises, mais aussi étrangères, assez sympa. D'accord. Pas piquer des hannetons, comme dirait l'autre. voilà. Donc, bah, ce sera juste après. Donc, cette coupure musicale, la Brabançonne, c'est ça, hein ? Non, pas du tout. Non. Mais alors, on va commencer avec un artiste belge. C'est Philippe Lafontaine avec Cœur de Loup. Oh, Cœur de Loup. Ouais. Sans que je veux lui plaire, sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veuille. Je n'ai qu'une seule envie. Est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Et les cyprès, les suies, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Thank you.

sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et c'est toujours aussi bon, évidemment. Alors, vous entendez peut-être un petit bruit de fond, tout simplement parce qu'on est au pied de la fan zone. Alors, voilà, donc les pronostics sont faits. Hein. On sait que la France va gagner. Donc, pour l'instant, on est à 0-0. Voilà, donc on va vite, très vite être à 1-0. Et on est vraiment en direct. On a des pronostics, on a 2-0. On a David qui est avec nous. Alors, 2-0 pour qui alors? David. Ah, pour la France, David. Attention. Hein? Nicolas. Je sais pas pourquoi je dis David, mais je sais pas. T'as peut-être une tête à taper, David. Alors Nicolas, évidemment, qu'on retrouve tous les lundis soirs. Rappelle-nous l'heure. 19h-20h. Donc c'est Excel FM. Excel FM, ben justement, hein, pour tous les matchs de foot, il parlera certainement donc de ce match de ce soir. Parce qu'on l'a en direct. Hein, il parlera de ce match de fat. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, en parlant de gens qui bafouillent, Stéphane. Oui. Alors le Main Square, merci un peu. Oui, mais merci, Sherlock, pour ce Dépêche Mode. Ça m'a rappelé le souvenir de ce week-end. Je t'en prie. Avec entre autres, alors Dépêche Mode. Bon, on va dire un classique, mais alors excellent show, hein, toujours. Alors j'imagine toujours au top avec leur succès, quoi. Ouais, bien sûr, parce que là, on peut dire que c'est quand même un concentré, parce que c'est un show d'une heure et demie. Ouais, ça doit être ça, 1h30, 1h40, pas plus. Hein, non. On est en festival, donc on a un vrai concentré, mais très très bonne prestation. J'imagine. Du vrai son, enfin voilà, du live comme il faut. Et puis plein de belles choses, en plus avec une super météo. Il faut reconnaître que ce week-end, en plus, ça ne fait qu'améliorer les choses. Alors bon, il y a eu tellement de groupes que je peux pas. Alors ceux qui t'ont marqué le plus. Alors ceux qui m'ont marqué, alors peut-être sur Dépêche Mode, mais c'était pas forcément une surprise. J'ai eu Justice. Qui a fait. Donc dimanche soir sur la Green Room. Alors je connais qu'un seul titre de Justice, mais c'est très puissant. C'est électro, hein, ça. C'est électro et c'est très puissant aussi au niveau jeu de lumière. C'est un très très gros show quand même. Après, alors il y a des choses que j'ai découvertes que je ne connaissais pas. Younger, qui est un jeune artiste qui est seul sur scène, mais qui joue donc avec des samples. Donc il a un sampleur. On va retrouver des voix. On peut retrouver du Michael Jackson. On va retrouver du Daft Punk, enfin voilà, différentes choses. Ouais. Et en même temps, le gars, il joue de la batterie, il joue de la guitare et il chante. C'est Rémi Bricard en fait. C'est le Rémi Bricard des temps modernes. Je t'assure, j'ai pensé à la même chose. Mais franchement, Younger, il assure. Et le mec, il ouvrait le main stage de la grande scène dimanche. C'était dimanche, ça. Voilà. Après, bon, il y a eu plein de choses. Il y a eu Feder en électro. Ouais. Il y a eu d'autres groupes, Curtains, qui vous parlent pas forcément. Curtains. Ah non. Tom Walker. Je connais son frère, moi, Texas. Oh, je m'en doutais. un groupe que j'ai bien apprécié aussi, qui s'appelle Kid Francescoli. Alors c'est plutôt de la pop rock avec une chanteuse très musicale, très agréable. Ça sous un gros soleil, on est bien. Oui, d'accord, elle était belle. C'est ça que tu veux dire. Enfin, en tout cas, voilà. Hein, je vais pas vous faire tout le très bon festival. Bon cru cette année, apparemment. Il y avait Jamiroquai aussi. Il y avait Jamiroquai. Tu l'as vu? Oui, que j'avais déjà vu il y a quelques années. Bon, ça donnait quoi? C'est toujours la même chose. Il avait l'air un peu fatigué quand même, parce que j'ai vu les extraits. Moi, je trouvais limite mieux quand j'avais vu il y a 3-4 ans, je crois. Bon, après c'était. On reste dans le même répertoire. Petit problème avec des produits du site. Si, il a sorti un dernier album il y a l'année dernière. Qui a pas forcément très bien marché d'ailleurs. On avait Liam Gallagher. Ah, Gallagher. Alors, il s'est battu sur scène ou pas? Alors, moi, quand même, le gars, je me dis. Gallagher. C'est quand même le gars qui chante toujours en dessous de son micro. Il est toujours. Ouais. Oui, mais il sait que ça se règle ou pas? Parce que tout le concert, il est un peu accroupi pour chanter en dessous de son micro. Donc, je me dis quand même, ça va être crevant. Alors, il a repris des succès d'Oasis, j'imagine. Évidemment, des classiques. Ouais. Donc, voilà. Et il fait une carrière solo, lui, Gallagher ou Il me semble bien, puisqu'il fait déjà une tournée solo. Donc, oui, d'accord. C'était pas Oasis, c'était vraiment Gallagher. Mais okay. Ça n'empêche pas de reprendre des titres. Donc, très bon souvenir. Donc, très bon week-end. Très reposant, bien sûr, évidemment. Et on va se reposer avec une petite coupure musicale, Sherlock. Oui, bien sûr. Avec Gérard Blanc et Du Soleil dans la Nuit. Ouais. Et on reviendra juste après Jermaine Jackson et Piazzadora avec When the Rain Begins to Fall. Oui. Allez. RLM 107.9 FM. Oui, merci Sherlock, juste après cette magnifique action que nous avons pu voir sur notre écran géant de contrôle. Ouais. Un but pour la France. Calme-toi. Non, excusez-moi, c'est parce que je suis voyant. Là, tu nous as explosé les vues maîtres. C'est ça, ouais. Et les gens chez eux. Et heureusement que nos micros sont pas sur la fan zone, parce que là, les vues maîtres. Ah ouais, c'est voilà. Clair que là, je crois qu'ils exploseraient. On va avoir une voix beaucoup plus douce, évidemment. Il y a celle de Marine, oui, qui va nous parler, évidemment, du 14 juillet. Oui, mais d'abord le 13 juillet. Ah, bien. Ouais. Il y a Nolwenn Leroy qui va passer à l'hippodrome de Marc-en-Barœul. Ah ouais. À 20h. Il y a Marine Aké qui va passer au parc de la Fossette à Barlin à 21h. Où ça? au parc de la Fossette à Barlin. C'est où Barlin, Stéphane? Barlin, ce serait pas dans le... On n'est pas dans le Pas-de-Calais, là Barlin, ah, je ne sais pas, aucune idée. C'est bien possible, ouais. J'aime pas la manière marinaquée, je trouve qu'elle est un peu, mais... Moi j'aime bien, moi. Mais je serais du côté Nolwenn Leroy, parce l'hippodrome, c'est super. L'hippodrome est un magnifique feu d'artifice, l'hippodrome. Oui, c'est vrai. Je vous le conseille. Et une magnifique scène, parce que c'est... Ah, oui. C'est pas... au 14 juillet, Marc Ambarol, en plus, c'est la porte à côté. 13 juillet. 13 juillet, ouais. Bah, j'ai dit Marc Ambarol, c'est la porte à côté. Tu dis 13 juillet. Ah, j'ai compris au 14 juillet. Non, parce que t'as dit 14 juillet. Ouais, mais c'est pour fêter le 14 juillet. Ah oui, d'accord. Et, ouais. C'est 13 juillet, quoi. Mais le 14, il y aura Texas au parking de la Cuson à Valenciennes. Quand même. Sérieux, alors ça, c'est du bon, c'est du lourd quand même. Texas, c'est étonnant. Hein. Comme quoi, il y a quand même des communes qui ont les moyens. Parce que vous allez voir, il y a d'autres programmes, c'est pas tout à fait pareil. Martin Solveig qui sera à Béthune à 19h. Ah, bien. Ouais. Toujours le 14 juillet alors. Toujours le 14 juillet. Alors, Martin Solveig, ça m'étonne, mais en fait, il fait quoi? Il mixe, il fait semblant, il fait comme David Guetta avec une main en l'air. Et, Il mixe, mais alors je sais pas si c'est encore le cas, mais il est souvent accompagné aussi de chanteurs. Ah. Il joue de la guitare aussi, Martin Solveig, donc dans ses lives, il peut aussi prendre la guitare. Et, ah, c'est pas assuré. C'est vrai qu'il est un peu rock, hein, dans ses mix, il y a toujours un peu de rock. Il y a le 14 juillet aussi, le groupe dont j'avais parlé il y a deux semaines, Zik Addict. Ah oui, qui était à Auchan. Ouais, c'est ça. Qui a fait une démo à Auchan. À la base de loisirs du fort à Verlinghem. Verlinghem. Alors c'est du côté de l'Homme, hein. Si vous connaissez pas, c'est pas très loin. C'est juste avant l'Homme. C'est la base de Lompré qu'on appelle aussi. C'est ça, absolument. Ouais, c'est pas très loin, c'est bien ça. Je vais vous resituer juste Barlin, donc c'est bien dans le Pas-de-Calais. C'est pas très loin de Neuilly-les-Mines, Bully-les-Mines. Hein, d'accord. Par là, de ce côté-là. Donc Arnaud, si tu nous écoutes. On est au sud de Béthune. Donc ça, c'est pour si vous voulez voir Marina Kaye. Hein. Petite trotte. Eh bien écoute, on va faire une coupure musicale et tu vas nous parler du reste de l'actualité parce qu'il y en a encore le 14 juillet et même le 21 juillet et même le 29 juillet. Ouais. Donc ce sera juste après ça. Après Niagara avec AC et Billy Ocean avec Caribbean Queen. Ah ouais, t'as pas osé mettre celui. Si, y'a aucun problème. Vas-y, répète-nous le titre de celui-là. Alors c'est When the Green Gets Tough, the Tough Get Going. Ah ouais, d'accord. Alors, mais il y en a un autre aussi qui est assez compliqué à prononcer. Faut que je le retrouve. C'est. Toujours de Billy Ocean. Hein, Get out of my dreams, get into my car. Non, mais il n'y a pas abusé un peu. Non, parce que Ocean. Sors de mes rêves et rentre dans ma voiture. Mais bon, là, c'est Caribbean Queen. Voilà. Alors, au passage, je vous rappelle, effectivement, on l'oublie tout le temps, mais on a quand même notre page Facebook, 120 au compteur. Balancez-nous vos coms et on sera un plaisir de les relayer à l'antenne. Parlez-nous des scores, tiens, parce que qu'est-ce qui se passe entre la France et la Belgique. Pour qui vous tenez. Voilà, pour qui vous tenez, les pronostics. On est à 0-0 toujours. Hein. Voilà, donc c'est un match nul. Hein. Ah bah oui, 0-0, c'est un match nul. Donc restez branchés sur RL. Voilà, donc c'est ça. Et vous verrez d'ici quelques minutes le but de la France. Donc juste après cette coupure musicale. Allez, on va se battre toute la soirée. Allez, on se retrouve après ça. Yeah. RLM, tous les jours. RLM, le meilleur des années 80 à nos jours. Dans 120 au compteur, c'était Billy Ocean. Billy Ocean. Avec Caribbean Queen. Pour enchaîner, le 21 juillet à Moucron, il y aura Jim Manson. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Bon, on peut au moins finir l'émission quand même. Oui. Ouais, bravo. Et ben d'ailleurs, on peut le dire au passage quand même, nous serons en interview avec Jim Manson. Voilà. Oui, absolument. Donc, on sera un plaisir de la rencontrer. Hein, ça fera plaisir, ça. Et le 29 juillet, un dimanche, il y aura Christophe William qui va Pérouer. pour un concert gratuit. Oui, pour la fête de la Sainte-Anne. Ah, ouais, sympa aussi. Et j'aimerais beaucoup qu'on l'ait en interview aussi. Je sais, ah ouais, ça c'est clair. Et il faut savoir aussi qu'en première partie, il va y avoir donc Mister Cover. Oui. Et je vous invite franchement, si vous ne les connaissez pas encore, à aller les voir. Ils font les covers, c'est un cover band. Ils reprennent tout titre, hein, vraiment du Bruno Mars et tout, mais des titres d'aujourd'hui, d'hier, des années 80. Mais alors, ils sont super, Steph, tu confirmes? Oui, oui. Tu les as déjà vus. Alors, où je me rappelle. On les a vus ensemble d'ailleurs. Ça doit peut-être pour ça. On était bien ensemble, moi, je pense. Ouais, effectivement. Rappelle aussi qu'à Moucron, il y aura aussi une première partie. Je crois qu'il y a Christian Delagrange qui sera là aussi. Ouais, c'est ouais. Ça. Ouais. Et Alain Delorme. Oui. Et surtout, ne bouge pas. Magnifique interprétation. Voilà, t'as d'autres dates? Non. Bah, enfin, le 29 juillet, il y a. Eh bah, tu peux en parler, vas-y. Hein? Ah, bah, tu en as parlé déjà. Oui, Christophe Hulme, ouais, Christophe Hulme, 29 juillet. Donc, moralité. Moralité, bah, y a de quoi faire. Oui, bien sûr. Pour la fête nationale, sachant que c'est des concerts gratuits, alors profitez-en. Ouais, évidemment. C'est clair, profitez-en. Il y en a d'autres. Il y a d'autres concerts, évidemment. Bah, vous tapez sur internet et vous retrouverez certainement bah, dans différents patelins des groupes qui vont se produire. Oui, ou au pire, vous envoyez un petit mail sur le mail de la radio. contact@rlmradio.com. Ah, pour communiquer, ouais. Et puis, bah, voilà, oui, soit vous donnez. Soit vous donnez des dates et des artistes qui passeront, soit vous pouvez même demander, et je suis sûr que Arnaud, le matin dans les matinales, se chargera de, ah bah de vous donner également d'autres dates. Absolument, absolument. Ou alors sinon, vous nous envoyez l'info aussi hein, sur notre page Facebook. Marine, comment fait-on pour la retrouver? On va sur Facebook, déjà. Et on tape RNM 107.9 FM. 120 au compteur, quand même. Ouais. Ouais, bah. Ça ouais. Va, t'en comptes. Mais c'était après, bah. Oui, mais écoute, ça va, tu débutes, on a compris. Hein. Bon, alors, on continue en musique. Il est toujours bien ce match, apparemment. On est toujours à zéro partout. Eh ouais. Ouais, non, mais c'est une question de minutes, hein, avant que la France marque son premier but, évidemment. Allez, on se retrouve. Salut. On se retrouve après I Am et je danse le Mia et les Cranberries avec Ode to My Family. Je fada, je crée des gueux, je comprends tous ici un par un. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle un autre fois quand en cul roulait au pied du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose? Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8, c'est 73, JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse montiette. La main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil fermé sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la troupe à la Marley, Pascal et Pirasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une fille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. En direct sur Radio Chacal, en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des shots Malboro, des autocollants Peony,

toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et c'est toujours aussi bon, bien évidemment, tout comme le match entre la France et la Belgique. Stéphane, justement, t'as un message ouais, de Pierre. J'ai un certain Pierrot qui me dit gueule par la fenêtre, come on France. C'est un challenge. Et que je t'avouerai qu'avec la solo qu'il y a devant, je crois qu'on peut gueuler autant qu'on veut. Hein. Ouais, mais non, mais tu sais que t'as accès à la scène, là, tu vois. Ouais, tu montes sur la scène, tu chopes un micro et tu fais vive la France. Par contre, si tu peux nous ramener rapidement deux câbles XLR d'une dizaine de mètres et on se branche sur la console, ouais, sympa, et on peut diffuser. Sympa. Donc voilà. Effectivement, vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur, hein, comme tous les mardis soirs, 20h-22h. J'espère que vous passez un bon moment avec nous, que vous faites les deux, vous nous écoutez et vous regardez le match. Bah voilà, ça fait, c'est ce qu'on fait aussi. Ça fait 45 minutes qu'on est en direct. Voilà, donc là c'est la mi-temps, c'est la mi-temps, donc zéro partout. Plus pour longtemps, à mon avis, mais bon, on verra. L'avenir nous le dira, il reste encore donc une mi-temps. J'avais envie de vous parler, tiens justement, ça n'a rien à voir, je passe du coq à l'âne. Ça me fait rire quand je dis coq à l'âne. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Oui, alors. J'ai remarqué, enfin vous l'avez remarqué qu'en France il y a quand même des noms de villes qui sont quand même assez sympas. Oui. Ouais. Alors il y en a une que tu adores, Sherlock, évidemment. Lequel? Poil? Non. Ah, chatte? Non plus. Non. Qui sont des noms de villes aussi. Hein. Oui, oui. Il y a Moncul, le célèbre Moncul, évidemment, ouais. Qui se trouve dans le Lot. Hein, pour la oui. Info. Parce qu'il faut que ce soit culturel quand même. Hein, mais c'est vrai que, ouais, alors c'était. C'était. Daniel Prévost et je ne sais plus comment il s'appelait. Desproges. C'est ça, Pierre Desproges et Daniel Prévost qui avaient fait un petit reportage sur la ville de Moncul. Exactement. Où il y avait un poil d'ailleurs. Exactement. Dans la mairie de Moncul, il y avait un poil. Il y avait l'arrêt aussi, l'arrêt du cul. Oui, c'est ça, l'arrêt de Moncul. Le poil a été rasé depuis. Et il y en a d'autres évidemment. Hein. Dans le Cantal, vous avez deux verges. La ville de Deverges, sympa. Hein. Vous avez aussi Arnaque la Poste, tiens. Ah oui. Oui. Ouais, ça, ouais, aussi. Ça c'est pour aller vers Bordeaux, je pense. Voilà, c'est dans la Haute-Vienne. Vous avez Anus dans l'Yonne. Ouais, c'est le trou du cul du monde là-bas. Alors condom. Ah, condom. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors on dit condom, hein, mais oui, ça s'écrit condom et c'est dans le Gers. Alors vous avez, ça va faire plaisir à Stéphane, vous avez la trique. dans l'Allier. Pas la trique, pas la crique, hein, la trique dans les Deux-Sèvres. Vous avez le Fion. Ah, le Fion, ah ouais, d'accord. Il y a une ville qui s'appelle le Fion et c'est en Haute-Savoie. Monteton. Ah, c'est sympa ça. Il y a Monteton et il y a aussi Messin. Aussi également en France. Et ils voulaient faire un moment, hein, je sais pas si vous avez entendu les infos, ils voulaient faire un jumelage entre Monteton et Messin. Mais si, c'est vrai. Non, je t'assure que c'est vrai. Alors la ville, ça va faire plaisir à notre ami Christophe, la ville bourrée. Et il y a bien sûr la ville de Poil à Nièvre, oui. Dans la Nièvre pardon. Il y a la ville de Cornu, mais corps comme un corps, N-U-D-S par contre, voilà, dans l'Ille-et-Vilaine. Et là, comme ma chronique, il y a la ville Trécon. Voilà Trécon qui se trouve dans la Marne. Et tout à l'heure, je vous parlerai juste après la coupure musicale de villes. À l'étranger, qui sont tout aussi intéressantes. En France, la ville avec le plus petit nom, c'est Y. Ah, c'est juste un Y. Bah ouais. Ah ouais, ouais. Mmh. C'est juste un Y. Sur ces bons mots, on va partir en Bretagne avec l'autre Finistère par les Innocents. Alors si vous entendez des basses là derrière, c'est juste la fan zone. C'est la fan zone. Ah, que c'est vous pas entendez. Ton fond musical, je pensais, Sherlock, que tu nous avais mis voilà, un parce que c'est l'habitant, je le rappelle. Donc Nicolas 0-0, il nous le confirme, donc entre la France et la Belgique. Et donc on va revenir donc juste après les Innocents et l'autre Finistère et Jamiroquai avec When You Gonna Learn. Yeah. Comprendras-tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Sur la bouche, t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île. Oubliez nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats. Je dérouverse au retour de tous nos plus beaux discours. Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas. Y devenir

fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Ouais, alors ça, j'aime bien ce slogan, hein. Les Belges seront derniers dans... Ouais, alors on a décidé une chose, effectivement, c'est tout simplement, il y avait d'un côté ceux qui étaient pour la France, donc c'est-à-dire moi tout seul apparemment. Ouais. Non, on a aussi quand même Christophe qui est pour la France. Alors nous quand il y a Nico aussi et il y a Nico aussi qui est pour la France. Ça se voit pas au premier coup d'œil. C'est vrai. Alors, par contre Marine belge Stéphane aussi. Mais de toute façon dans tous les cas ce sera la fête, vous savez bien que sur Sherlock. Stéphane, moi je suis neutre, je suis entre les deux, donc j'ai un pied en Belgique, un pied en France et les couilles à la frontière. Ouais, écoute, nous on aime les Belges évidemment, puisqu'on est aussi avant tout donc une radio belge, hein, même si on aimait aussi de l'autre côté de la Bien frontière. Sûr. Et on supporte les deux équipes évidemment, et moi plus la France. donc voilà, tout à l'heure je vous parlais de villes un peu particulières. Tiens, en Norvège, tout à l'heure tu parlais d'une ville en France qui s'appelait Y. Oui. Et en Norvège, il y a une ville qui s'appelle A. Ah, voilà, tout simplement. Alors il y en a une autre aux États-Unis qui s'appelle Zix. Zix. Zix. Alors ça s'écrit Z Z Y Z X. Donc j'habite à Zix. J'imagine un peu le truc. Ouais. Et il y a une autre ville en Nouvelle-Zélande. Alors celle-là est plus connue. Ouais. Et du coup je vais vous lancer un petit challenge. Je vais vous demander donc de lire le nom de la ville. Voilà, je vais vous passer évidemment donc le nom de la ville. Et si vous n'y arrivez pas, donc le défi est le suivant, vous partez donc sur la fan zone. Voilà, et vous criez vive la France. D'accord, ça marche. Alors on va commencer avec Marine. Donc ouais. C'est une ville de la Nouvelle-Zélande. Alors juste quand même pour vous dire pour information, le nom de la ville comporte 85 lettres. Voilà, donc Marine, là, je vais te demander de dire le nom de la ville. Alors vas-y, je t'en prie. Allez, vas-y. J'ai entendu parler de celle-là. C'est sérieux. Alors, Tomatawakatangi, c'est pas du nouvel terme. Alors vas-y. Alors, Tomatawakatangi Yanga. Bon, toi tu vas créer. Tu as perdu des lettres. C'est vache. Il a fait comme ça sur sa clavier. Donc, déjà, Marine qui part crier vive la France sur la fan zone. Alors, c'est vache. Allez, on se lance. Allez. Tomatawakatanjiangakoaoyotamat. Deuxième ligne. Tomatouri Pukakapikimangamort. On est du pack. Pas fini. Et où est nous à Kitana Tamu. Alors question subsidiaire, est-ce que tu peux me donner et le nom de l'habitant de cette ville Jamais ils demandent leur route, ces gens-là. Alors, on va demander à Sherlock. Sherlock, alors vas-y, dis-nous. Alors, et c'est véridique, hein, vraiment, c'est une ville qui existe. Tomatawakatangiangakoaoutamateauturikpukakapip. Piki Maunga Moron Kikipok Aïwenu Akita Nataou. Eh bah dis donc. Eh ben on va continuer. On va demander à Christophe. Allez. Non, c'est un comme lui. Voilà. Approche-toi du micro. Qu'on entend ta voix. Vas-y. C'est possible. Vas-y. Tomatawakatakjiang Gakovano Tadmat. On dirait une autre émission. Et un puc à campi qui mangou. Bon, c'est impossible. Et voilà. Bon. Je vais créer la fanzone. Moi, tout simplement, pour nos amis auditeurs, je vais vous les plaire, comme ça vous pourrez voir sur internet. Mais effectivement, donc, alors ça fait Tomatawakatangi Nankwan Kantawa. Je peux dire n'importe quoi en fait, finalement. Bah ouais, les gens ne pourront rien comprendre. Mais c'est horrible. Notez Tomata, T-A-U-M-A-T-A, Nouvelle-Zélande. Vous allez la trouver facilement. Voilà, vous tapez je pense. Tomata, Nouvelle-Zélande, et vous allez voir. Donc c'est vraiment, et c'est véridique, c'est une ville qui contient donc 85 lettres. Donc je testerai pas parce que c'est compliqué. Mais quand je suis tombé dessus, je suis tombé des nues, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'était la petite chronique que j'appelle inattendue. Voilà, je voulais vous parler de villes bizarres. Et je vous parlerai aussi la semaine prochaine de mots bizarres. De mots bizarres. Eh oui, pour dire des choses simples, mais on utilise des mots compliqués pour dire des choses simples. Ok. Eh ben on va se retrouver donc juste après un artiste belge. C'est un rappeur belge qui s'appelle James Dino. Je crois que tu l'avais déjà passé, ça me parle. Oui, alors il y avait le fils du commissaire.

Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a enche, enche, ay, ay. Come on. Mocha, chocolate. What? Rio, lady, mamu, la, la. One more time, come on. Je crois que les vumettes ont explosé. Eh oui, il y a un point pour la France. France-Belgique, Marine n'est pas très contente, hein, mais. Christophe Lé, Nicolas aussi, évidemment. C'est, donc, c'est bizarre, ta tenue ne correspond pas. Ne dis pas que c'est de camp. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est pas changé de camp, la France a marqué le premier but. Alors, qui a marqué le but? C'est ça. Oumtiti. Alors Oumtiti qui a marqué le but. Bon, alors c'est pas, les jeux ne sont pas encore joués évidemment, puisqu'il reste encore plusieurs minutes. Mais bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi je suis content, les Belges un peu moins. La fan zone, on les entend plus. C'est vrai. Il y a même c'est vrai. Mais le match n'est pas terminé. Allez, vous êtes bien sûr dans l'émission donc 120 au compteur sur RLM comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Et on peut nous appeler au numéro. Merci Marie. 056 84. Non, bah non, 056 34 11 81. Ouais, si c'est ça. Si, ouais. J'étais en train de chercher l'approbation de alors, Nicolas. Répète, tout doucement le numéro. Alors 056 34 11 81. Voilà. Ou oui, depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Mais excusez-nous, on a très très chaud. Hein, c'est pas facile. Là, alors ça. Tu as le micro, tu le gardes, Sherlock, puisqu'évidemment maintenant c'est le moment de. Mais oui, de la chronique rétro ciné. Et je vais vous parler donc ce soir d'un film de l'année 1987 et plus précisément du 14 octobre 1987. Un mercredi. Oui, c'est ça, c'était un mercredi, effectivement. Alors, la musique est de John Morris. Oui, Morris, comme le dessinateur belge qui a écrit, enfin qui a dessiné Lucky Luke. Ouais. Morris, donc M-O-2-R-I-S. Il y a notamment dans le film John Hurt, ah oui. Michael Winslow, Daphne Zuniga, Rick Moranis et John Candy. Une comédie. Oui, c'est une comédie, effectivement. D'accord. Alors John Hurt, qu'on rappelle, hein, qui a joué dans Elephant Man, ouais, effectivement. Et qui faisait Elephant Man d'ailleurs. Ouais, oui, c'est ça. Alors, je vais vous passer donc tout de suite un premier extrait. Oh, je vais peut-être vous dire que le film a fait 886 941 entrées au box-office français. Ce qui est pas énorme. Ce qui est pas énorme, mais alors le film a cartonné par contre ensuite. Il a cartonné ensuite en VHS. Alors, je vais vous passer tout de suite un extrait et on revient tout de suite après. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu ? Bah, si on avait entendu, oui. Mais d'accord. Bon, c'est vrai que dans le studio, avec le bruit, c'est un peu compliqué. Ouais. Je vous le repasse, écoutez. Quelle année, mon ami ? 1987. Ah, j'ai un indice. Ah. Jack Nicholson pour la première version. Pour la première version ? Ouais. C'est un. C'est, est-ce que c'est. Est-ce que c'est science-fiction un peu ? Ouais, un petit peu, oui. Est-ce que ça a un rapport avec un magasin ? Un magasin ? Ouais, donc non, bah, je suis pas à côté de la plaque. Non, non, non, d'accord. Pas du tout. Alors, pose-moi la question. Tu penses à quoi ? Bah, à la petite boutique des horreurs. Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Non, c'est pas ça. C'est pas okay. Ça. Bon, je vais vous passer un deuxième indice tout de suite. C'est un extrait de dialogue. Écoutez bien. Le radar me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas ? J'ai perdu les bips, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi ? Les quoi ? Et le quoi ? Oh, vous savez, les bips. Les zips. Et le trip. Il n'y a pas que ça qui l'a perdu. Ça. Seigneur, le radar, seigneur, j'ai bien l'impression qu'il est en pleine déconfiture. Il n'y en a qu'un au monde pour oser me faire le coup de la framboise. Yop solo. Alors il y avait Marine qui nous faisait des signes un peu bizarres. Ah oui, studio, je ne comprenais pas trop. Qui avait envie de donner un indice, mais à mon avis, il est pas dessus parce qu'on a parlé de ce film il y a quelques semaines. Mais vas-y, tu pensais à quoi ? La mort de. Quoi, ça qui veut tuer. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah, voilà. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Non, on en avait parlé il y a deux, mais trois semaines. Effectivement, si la voix ressemble. Elle peut ressembler, effectivement. Alors, bon, je vais vous passer un troisième indice, vu que je vois que vous êtes un petit peu en détresse. Ouais. Écoutez bien, c'est également un extrait du film. Attention, espèce d'idiot, j'ai dit devant le nez, pas en plein dedans. Désolé, seigneur, je ne peux pas faire mieux. Qui a fait de lui un canonnier ? Moi, seigneur. C'est mon cousin. C'est qui ? C'est un trou du cul, seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, seigneur. Trou du cul. Major Trou du cul. Et son cousin ? C'est un trou du cul aussi. Canonnier de première classe, Philippe Trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau ? Ça, je le sentais. Je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul ! Alors, c'est un peu comme chez nous, hein. Eh oui, mais alors c'est pas du tout l'émission. Bon, c'est une comédie, mais tu nous as parlé du réalisateur ou pas ? Non, pas encore. Bah, donc, qui est chanteur, qui est chanteur aussi également. Oui, il a chanté une chanson. Oui. Et qui chantait. Alors là pour le coup. Mais c'est pas le même film. Non, c'est pas le même. Mais film. Il a chanté. Oui, il a chanté. Et il voilà. A chanté It's Good to Be a King. Ah là, absolument. Donc c'est Mel Brooks, le réalisateur qui joue également dans le film. Oui. Et l'un des acteurs principaux, c'est Bill Pullman. D'accord, ok. Alors, est-ce que ça vous parle ? Oui. Alors, donc, on va s'écouter un tout petit extrait de la musique du film et on revient tout de suite. Oui. Évidemment, Mel Brooks, on le connaît pour un certain nombre de films, mais ça faisait partie du. On va pas dire d'une série, mais en tout cas, les titres commençaient toujours par la même. Oui, effectivement. Voilà. Donc il y a eu La folle histoire de l'espace. C'est celle-là, ouais. Ah, merde. Ouais. Ah bah oui, absolument. Bah, je pensais pas du tout à ça, moi. Eh bah si, je pensais à la folle histoire du monde. Du monde, non. Ah bah oui. Ah, non, bon, voilà, ça, effectivement, donc c'est Spaceballs en anglais. Ah, en plus, ouais. Qui aurait pu être traduit par Bah, les boules de l'espace. Ça aurait été marrant, d'ailleurs. Et donc, c'est, en français, c'est La folle histoire de l'espace. Alors, je vais vous donner donc le pitch un petit peu du film. Ça se passe dans une galaxie lointaine. L'oxygène commence à se raréfier sur la planète Spaceballs. Aidé du sombre Lord Casque Noir, le président Esbrouf décide de s'emparer de l'atmosphère de la pacifique planète Druidia. Mais celle-ci est protégée par un champ de force impénétrable. Pour passer le champ de force et ainsi siphonner l'air de la planète, Lord Casque Noir kidnappe la fille du roi de Druidia, la princesse Vespa. Le roi Roland fait alors appel à l'intrépide Yop Solo et son fidèle acolyte mi-homme mi-chien, Burke. Ah oui, sur leur chemin, ils rencontreront le mystérieux Yaourt, grand maître de la Ch'tus. Alors, il faut savoir donc que le film parodie principalement la trilogie Star Wars donc originelle. Donc les épisodes 4, 5 et 6. Il parodie aussi ou fait allusion à de nombreux autres films américains, notamment Star Trek, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, La Planète des Singes, Alien, Rambo, Blanche-Neige et les Sept Nains, Le Magicien d'Oz et Le Pont de la Rivière Kwai. Donc la chanson qu'on a entendue au début, que je vous ai passée, c'était la chanson que les Dinks chantonnent dans le désert, et c'est la marche du colonel Bogey. Ah. Il faut savoir d'ailleurs que, en parlant de Star Wars, le Faucon Millenium de la saga Star Wars fait une apparition dans le film. En regardant de près l'espace extérieur du Space Dinner, donc qui est en gros un resto qui est sur une planète, il peut être repéré parmi les autres véhicules spatiaux. George Lucas a eu la chance de lire le scénario avant le début de la production, et il a tellement aimé ça qu'il a décidé d'aider le film par sa société d'effets spéciaux, donc ILM, donc Industrial Light and Magic. En fait, c'est ILM qui a fait tous les effets spéciaux, en gros, à moindre frais. Pour RLM Non, pas RLM, ILM, c'est pas loin. Alors donc, la scène dans laquelle Casque Noir joue avec ses poupées n'était pas dans le script. Mel Brooks en a eu l'idée un jour sur le plateau et l'a raconté à Rick Moranis, donc, qui joue le rôle de Lord Casque Noir, qui a ensuite improvisé toute la scène, y compris les dialogues. Ah ouais. Sacré personnage, hein, Rick Moranis, au passage. Qui jouait dans Chéri, j'ai rétréci les gosses. Ouais, dans Ghostbusters aussi. Hein. Oui, aussi, exact. Qui faisait le serveur de la porte. C'est ça. Alors, James Caan était le choix original pour jouer Yop Solo. Oh. Mais à l'époque, il se débattait avec des problèmes de toxicomanie. Ah ouais, tiens donc. Alors, donc, Caan étant jugé trop cher à assurer, Mel Brooks essaya d'obtenir Tom Cruise, puis Tom Hanks ou encore Tom Berenger. Trois tomes qui lui ont rien apporté et sont donc sans succès. Il se tourna alors vers un Bill Pullman, alors inconnu. Steve Martin, par contre, lui, était le choix d'origine de Mel Brooks pour jouer le colonel. Bill Pullman joue dedans, excuse-moi. Oui, Bill Pullman joue le rôle de Yop Solo. Qui joue dans Casper. Eh oui. Alors, Steve Martin était le choix d'origine donc de Mel Brooks pour jouer le colonel Saint-Cyr avant que le rôle ne revienne à George Weiner. Alors, il faut savoir que en anglais, il y a des noms, des connotations en fait. Oui. Le colonel Saint-Cyr en anglais s'appelle le colonel Sanders. Sanders, c'est celui qui a créé le KFC. Ah, d'accord. Et ça n'aurait pas marché chez nous, puisqu'à l'époque, KFC, c'est sûr. Connu, ouais, voilà. Même et d'ailleurs, le président Esbrouf, donc qui est joué par Mel Brooks, normalement s'appelle Scroobs, qui est un anagramme de Brooks. D'accord. Voilà. Mais nous, on n'aurait pas compris. Et Scroobs, ça veut dire un peu Esbrouf aussi. Et enfin, donc John Hurt a prétendu que Mel Brooks l'avait persuadé de parodier lui-même son rôle d'alien. Vous savez, la scène où on voit l'alien qui sort de son ventre. Le huitième passager, en faisant croire qu'il s'agirait d'une brève apparition. Ce n'est que lorsque Hurt est venu sur le plateau qu'il s'est rendu compte que toute la scène était une parodie de la scène de la poitrine d'Alien 2. Et donc Hurt a pensé qu'il aurait dû demander un salaire quand même. Parce qu'il a fait ça gratos. Oui, bon, pas exagéré. Bon, après. La partie des anecdotes, ouais. Oui, bien sûr. Mais voilà. Alors, vous l'avez vu alors, La folle histoire de l'espace? Moi, franchement, non, pas du tout. Ça ne m'a. Ah, regardez-le. Ouais. Bon, ça a vieilli un peu. Ouais, ça a un peu vieilli, mais c'est toujours aussi marrant. Ouais. Quoi. C'est toujours aussi bon. On est un peu dans l'humour. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est toujours un peu dans l'humour de y a-t-il un flic pour sauver l'avion? Enfin, y a-t-il un pilote pour sauver l'avion? Et tout ça, c'est un peu dans le même esprit. Alors, si vous avez aimé ce genre de film, évidemment, regardez La folle histoire donc de l'espace. Marine, tu l'as pas vu du tout? Non, je connais pas. D'accord. Ça faisait penser à Le dernier pub avant la fin du monde. Ah ouais, mais ça me fait penser à ça, en fait. C'est plus marrant quand même, Le dernier pub avant la fin du monde.

never be the same. Cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. I'll stay with you, I'll fill my dues, and I'll be all you need. Que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et oui, donc vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur. Arrêtez au compteur sur RLM 107.9. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Un peu mieux que devant le match. Allez, on y croit, Marine, on y croit. Ouais, ouais. Alors, Marine, son visage se décompose de minute en minute, là. Ouais, absolument. Allez, fais-nous un petit coup de. Parce que tu n'auras pas l'occasion de le faire. Alors, Bah oui, vas-y. Oui, mais je sais pas comment ça s'appelle. T'as un truc autour du cou là, c'est quoi ça? Du micro quand même. Vas-y, vas-y, vas-y, refais-le. C'est quoi? C'est quoi? Trompette. Ah, oh, c'est tout. C'était pas terrible. Et tu m'étonnes que la Belgique elle gagne pas. Alors, si tu devais encourager la Belgique, tu ferais comment? Ouais, d'accord. Dessin d'ailleurs, je pense, ouais. Mais en radio, c'est pas radiophonique. Donc, on rappelle. Mais on peut toujours faire un Facebook Live. Hein. Alors, on rappelle les scores évidemment. Donc, 1 à 0 pour la France. C'est mal fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner les scores avec l'enthousiasme? Tu dis, voilà, vas-y. Ah non, avec l'enthousiasme, non, c'est la France, non. Non, je peux pas, là. Donc, bah, si vous avez envie hein, de nous faire vos pronostics via Facebook, surtout, n'hésitez pas, hein, sur le Facebook de l'émission, donc 120 au compteur, où vous nous appelez directement donc au numéro de téléphone que Sherlock va se faire le plaisir de vous donner. Oui, le 056 34 11 81, ou depuis la France, au 00 32 56 34 11 81. Alors, je vois dans le fond de tes yeux que tu as envie de nous parler de Sinoche. Oui. Ah, effectivement, tu vois bien. Oui. Tu es d'ailleurs, je vois que la France va gagner. Alors, ben, on va parler de Sinoche juste après la coupure musicale. Ouais, bah ouais, allez, avec Calogero et Volée de nuit et Portugal de Man avec Feel It Still. Ouais, ouais, ça marche. Et la Brabançonne, parce que ce serait bien, non? Non, peut-être pas. Non, bon. Non. Allez. On peut se mettre au milieu de la fan zone. Bon, on mettra peut-être la Marseillaise. Ce serait sympa. Tiens, Portugal The Man qui était aussi au Main Square, hein, d'ailleurs. Ah bah voilà. Comment c'est Portugal The Man. Entre les parasites. FM. RLM. Et oui, donc vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur sur RLM 107.9. Et je vais vous parler des sorties cinéma. Ouais, alors pourquoi tu parles comme ça? On dirait que t'es belge. Non, pas du tout. Bah, mais un peu d'enthousiasme. Pas du tout, dis donc. Non, mais de l'enthousiasme. T'as pas dit le fin d'accent à la con. Non, mais juste parce que là, c'est ça. Pour l'instant, on est quand même à 0 à 1 pour la France. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. 1-0 pour la France, toujours. Ils sont beaucoup par terre. Bah oui, c'est la Jupiler. Alors, donc, je vais vous parler donc, des sorties cinéma donc, pour la France et la Belgique. Et je vais commencer par la Belgique avec le film Tully. Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis et Ron Livingston. C'est un film de Jason Reitman. Et donc c'est sorti en France le 27 juin. Donc c'est Marlowe qui a toujours eu sa vie sous contrôle jusqu'à l'arrivée de son troisième enfant, où elle se retrouve complètement dépassée. Lorsque son riche frère lui propose de lui payer une nounou pour s'occuper du bébé pendant la nuit, l'offre est difficile à refuser. La ravissante Tully se révèle, qui plus est, être la meilleure nounou dont une maman puisse rêver. Alors que Marlowe recommence petit à petit à vivre, un lien étroit s'établit entre les deux femmes, qui s'avère avoir davantage en commun que Marlowe ne le pensait à première vue. Donc c'est une histoire d'amitié donc, entre une femme qui a eu plusieurs enfants et une nounou qu'on pensait en fait être complètement différente. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Parce que j'avais envie que tu m'écoutes jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, alors, le prochain film, tu l'expliques et Marine nous fera le résumé, vas-y. D'accord. Alors donc le prochain film, ça s'appelle L'envol de Chloé. Ça sort en France et en Belgique demain. Donc c'est un film d'animation de Arni Asgeirsson. Et donc ça se passe pendant l'hiver islandais. L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais Chloé ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser la terre de glace, espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid, Paradise Valley. Alors, au cours de son périple, il fait la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc. C'est un footballeur, lui. C'est Giroud, c'est pas pareil. Donc un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abîmées par Shadow, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d'audace et d'amitié pour surmonter les dangers de l'hiver arctique afin que Chloé enfin prenne son envol. Martine, je t'écoute. Ouais. Marine, je t'écoute. Donc le résumé. Un résumé, Marine. C'est une animation avec des oiseaux. Ouais. Ils doivent traverser le froid. Ouais. Pour que Chloé puisse. Chloé. Chloé. Chloé. Chloé. Chloé, Martine. Vivre, c'est... Alors, je vais passer aux sorties France avec Christophe. Donc, Christ entre parenthèses, ah, off. C'est toi. Ah oui. C'est avec Michael Youn, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos. C'est un film de Pierre Dudan et ça sort en Belgique le 18 juillet. Donc, c'est le père Marc qui souhaite récolter des fonds pour construire un hôpital pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique chrétienne, il organise une tournée dans toute la France. À 33 ans, Christophe, par contre, vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise le chemin du père Marc qui le recrute. Condition sine qua non. C'est normal puisque c'est un prêtre. Mais bien sûr, Christ doit se faire passer pour un membre du clergé. Planqué sous une soutane au sein de son groupe d'apôtres, un long chemin de croix commence alors pour Christophe. Ça c'est tout. Ouais, voilà. Et je vais finir enfin donc avec le blockbuster qui sort donc demain en Belgique et en France. C'est Skyscraper avec Dwayne The Rock Johnson, ah, oui. Neve Campbell. Ouais. Et Chin Han. Ouais. Donc c'est un film de Rawson Marshall Thurber. Ouais. Et donc c'est Will Ford qui est joué par Dwayne Johnson, qui est un ancien leader de l'équipe de libération d'otages du FBI, ancien vétéran de guerre et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciel, et qui est affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde, soudainement en feu, et est accusé de l'avoir déclenché. Désormais considéré comme un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille, emprisonné à l'intérieur du bâtiment au-dessus de la ligne de feu. Waouh. Donc film d'action, mais un peu catastrophe. Ça ressemble un peu à la Tour Infernale. Hein, c'est ça, qui était sorti en 74. Oh, joli. Belle culture. Alors c'est pas, je t'irai voir quoi. Je vais voir Christophe. Non, mais à part ça. Bah écoute, c'est pourquoi pas. Ah ouais, sérieux? D'accord, Marine.

C'est toi qui dis ça. Non, mais triste nouvelle, l'émission se termine. Ah oui. Oui, mais c'est pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Alors, on vient d'avoir les résultats, évidemment, entre la France et la Belgique. Donc 1-0 pour la France. Donc la France est en finale. C'est bien quand même. Bah, allez, on fera la fête quand même, Marie. Bah, oui, on fera la fête quand même et avec nos amis belges. Et effectivement, comme le disait l'un des commentateurs sur la fanzone, ça s'est joué à 1D. J'ai pas compris, mais bon, voilà, ça s'est joué à 1D. À 1D ? Ouais. Ouais, un coup de dé, peut-être. Je crois, peut-être. Ouais. C'est ça qu'il voulait dire, certainement, mais bon, voilà. Félicitations quand même pour les Français. Félicitations aux Belges qui se sont bien défendus. Visiblement, ils ont bien joué. Et puis, bon, bah, la France, peut-être, a eu un peu plus de chance, hein, tout simplement. Parce que 1-0, c'est pas non plus un score fulgurant. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à un peu plus de buts. Hein. Franchement, oui. Et les Français qui ont bien tenu le coup en jouant dernière, après le premier but de Umtiti, quoi. Ben oui. Umtiti et Grosminé. Samedi, les Belges peuvent peut-être faire mieux qu'en 86 au Mexique. Ils peuvent prétendre peut-être à la troisième place, soit contre la Croatie, soit contre l'Angleterre, qu'ils ont battu en match de groupe. Ah, et ben écoute ça, tu en parleras justement dans ton émission lundi. Tout à fait. Évidemment. Bon, ben nous, on va se quitter. Allez, un petit dernier mot de la fin, Stéphane. Bah écoutez, moi je vous donne quand même rendez-vous, quoi qu'il en soit, pour faire la fête samedi. Oui. Mixage 20h-22h sur RLM, bien sûr. Marine, un petit mot de la fin. Attends, je vais faire la musique derrière. Bon, bisous tout le monde. Merci à toi, on te retrouve la semaine prochaine. Oui. Bon, bah c'est nickel. Et puis merci à Christophe d'être venu nous faire un petit coucou. Mais c'est moi qui remercie. Et voilà. Et puis merci à Sherlock pour tes sorties cinoches. Mais je vous en prie. Et puis merci aussi pour ton petit coup de bras. On attend ça. C'est excellent. Ça nous fait de l'air. Ça nous fait de l'air. Et vu la chaleur. Restez, ben je vous en prie. Et puis ben restez bien sûr à l'écoute de RLM. Hein, ça continue 7 jours sur jeu. Enfin, ça continue tout le temps. Allez, ciao, bye. Ciao. Bonne nuit, salut, ciao.